jeux interdits. Ouais. Se llama Metabolution Y hoy, esta noche, tenemos, vamos a tocar para ustedes. Gracias. Alors, je parle en français, j'aurais traduit en espagnol. Ouais. Elle a dit qu'elle allait faire la musique ce soir, mais après, elle va faire une suite. Alors, elle aurait parlé français, j'aurais pu traduire. Et l'espagnol. Thank you. Ой, чешує, подви. Thank you. Hola. Ay, casi me cañé. Hasta por dónde iba. L'année prochaine, tu vas au Castagnette. L'année prochaine, tu vas jouer des Castagnettes. Ouais. Regardez pas tout à l'heure, hein. Muy bien. Vamos a tocar la Daniel Museo. Y nos vemos próximamente. Los queremos mucho. Muchas gracias. Thank you. Titine. La Titine. T'as dormi la Titine? Ah non, on dort pas quand même. Et ils touchent tous les deux. Le guitare, c'est d'aller dans le micro. Hein? Le guitare, il va dans le micro. J'ai pas vu. Il a la tête derrière, c'est pas du tout. Tu pars à ton micro.